Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Denis Veilleux. On va d'abord ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que du côté Bantam 2B, les Rapides de l'Abomasnie ont gagné finalement la bataille du haut du lac. Hier, les Rapides ont gagné 3-2 contre les Hurricanes de Mastouillache à Mastouillache pour évidemment atteindre la finale. Donc les Rapides vont attendre les gagnants entre les Marquis de Jonquière et les Saguenay de Chicoutimi. Le match décisif aura lieu demain à Chicoutimi. Maintenant, on va parler des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire hier de 5-2 contre les Tigres de Victoriaville pour prendre le devant 3-0 dans la série. Joey Ratel a marqué un but et amassé une passe. Il y a Brendan Hamlin qui a aussi marqué. Kelly Clément, Zachary Lavigne et Antoine Marcoux ont aussi marqué pour les Saguenay. Mauvaise nouvelle par contre pour les Saguenay. On a appris que Nicolas Roy a été blessé au cou et n'a pas terminé le match. Et on devrait connaître la gravité de la blessure aujourd'hui. Les Cataractes de Shawinigan ont gagné 6-3 sur les Foreurs de Val-d'Or pour prendre le devant 2-1 dans la série. Samuel Girard a amassé 3 passes dans la partie. Et selon certaines rumeurs, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera à Dolbeau-Mistassini vendredi pour faire une annonce importante, et on annoncerait la construction de la nouvelle piscine de Dolbeau ainsi que également un complexe avec un multi-gymnase. Le montant serait de 10 millions au projet. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec pas mal le plus grand partisan de l'histoire des expos, Perry G. Également, je me suis entretenu aussi avec David Simard qui nous parle des championnats canadiens de patinage de vitesse sur courte piste qui seront présentés au mois de décembre prochain à Ville-Saguenay. Et vous pouvez également écouter la table ronde que j'ai eue hier avec Sébastien Morin et Pascal Levesque en marge de la série entre les Saguenayens de Chicoutimi et les Tigres de Victoriaville. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en est.